Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre les jours de la... Je suis en classe de français 1 le lundi, le mercredi et le vendredi. Now, you can ask your partner a couple of questions regarding days of the week. Very easy. We want to use en, like On that happy note, I'll leave you dreaming of vacations. À demain!